En fait, c'est un sport, la délinquance. Et le plus délinquant, c'est celui qui a le podium, quoi, finalement. Et c'est une sorte de challenge dans le quartier. Plus on en fait, plus souvent on va en garde à vue, et plus on monte dans la hiérarchie du quartier. Celui qui n'est pas passé à Fleury, il ne peut pas espérer un jour être chef de bande. Plus ils y ont passé de temps, plus ils sont bons dans la hiérarchie. Celui qui a battu plus 12, mais il aura une meilleure place que celui qui a battu plus 6. Terre combattant, on a sorti les meuhards. H-A-N-68, le virus vient de Colmar. Va y avoir du meurtre, appelle-moi MC Corbillard. Terre combattant, même 1 million d'euros plus tard. C'est les briques, nos voisins, c'est les cafards. Chez les flics, cousins, sois pas trop bavard. On aime le goût du sang, nique sa mère Buffy. Raye avec le monde, j'suis connecté en wifi. Comme Orsay, on pèse les 6 rats. J'vise une carrière à la Frank Sinatra. Marine est consentante, c'est Kamasutra. Ça sent charbon, y'a du bois dans les bras. Y'a de la truanderie, normal, c'est la lerga. L'odeur de la buanderie empeste nos vœux cas. Cagoulé, j'braque la vie, la perte dans un attentat. Ils ont cru que c'était fini, mais c'est maintenant que commence le combat. C'est pour les charbonneurs, frères et sœurs, combat pour l'honneur. On truand dans la galère, sort les armes de l'armurerie. C'est pour les charbonneurs, frères et sœurs, combat pour l'honneur. On truand dans la galère, sort les armes de l'armurerie. Ok, c'est Morsay, truand de la galère. S'il y a une pute à cache, je te fais tourner, frère. On reste sincère, on est trop fiers. On représente pour le Maghreb, ça c'est clair. Je suis avec Armurerie, ça c'est la famille. Moi c'est Morsay, je suis à deux doigts de serrer Angelina Jolie. ZRF en R8, Morsay en Ferrari. Au bord de la mer avec deux reines, ça vient joli. Qui me jalouse là, fou. Sur la gueule de sa meuf en pleine journée, Roya. C'est pour les charbonneurs, frères et sœurs, combat pour l'honneur. On truand dans la galère, sort les armes de l'armurerie. C'est pour les charbonneurs, frères et sœurs, combat pour l'honneur. On truand dans la galère, sort les armes de l'armurerie. Morsay et alias avec Armurerie. Fais pas trop le malin, on te sort le fusil. Combattant du terre-terre, toujours des terres. Dans nos cités, y'a que des vrais gangsters. C'est pour Colmar et mes frères du 6-8. Des pros du braquage et de la poursuite. Jeteurs de pavés sur les voitures de chute. Et qui tape le 100 mètres à Calini. On baisse toujours la police et les racistes. Casseurs de magasins en RS6. On rentre équipé dans la bijouterie. Pour des hommes de guerre, viens voir Armurerie. On collectionne les pétasses et les grosses caisses. Et pour de la thune, on n'est jamais en reste. Truand de la galère, on sera toujours là. Pour nos frères d'en bas qui niquent leur noucha. C'est pour les charbonneurs, frères et sœurs, combat pour l'honneur. On truand dans la galère, sort les armes de l'armurerie. C'est pour les charbonneurs, frères et sœurs, combat pour l'honneur. On truand dans la galère, sort les armes de l'armurerie. C'est pour les charbonneurs, frères et sœurs, combat pour l'honneur. On truand dans la galère, sort les armes de l'armurerie. C'est pour les charbonneurs, frères et sœurs.